concourez tous au jeu de massacre. La douzaine de balles pour 20 sous. Allez, entrez, arrivez tous. Allez, arrivez. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Les pauvres gens. Les pauvres gens. Les petits, les ratés, les sans-pain. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, les sans-talents, les sans-talents, les sans-doigts, les sans-lits, les sans-rien. Pour vous venger de vos blessures, pour vous venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs. Regardez-les, les vieux pantins, éclopés, l'œil en moins, nez cassé. Sur eux déjà, les puretins ont tapé comme des insensés. Le général a eu l'oreille fendue par un simple troufion. Le magistrat, grande merveille, boite comme la constitution. Hop la boum dans monsieur le maire, hop la boum dans l'aristo, hop la boum dans le militaire, hop la boum dans le bourreau. Hop la boum dans monsieur le maire, hop la boum dans l'aristo, hop la boum dans le militaire, hop la boum dans le bourreau. C'est le massacre des fantins innocents. Avisez bien leur pauvre gueule, puisque vous êtes tous trop veules pour taper sur les puissants. Et nous aussi, vivants dignes, nous avons récolté bien des coups. Héros obscurs, quelle torgnole, quand l'arrière nous gueulait jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ta misère, va jusqu'au bout du désespoir. Dans le charnier sanglant des guerres, hardi guignol vers le trou noir. Hop la boum dans la calebasse, hop la boum tiens dans les dents, hop la boum dans la carcasse, hop la boum dans le palpitant, hop la boum, hop la boum, hop la boum. Le massacre des pantins innocents. Avisez bien nos pauvres gueules, puisque nous sommes tous rebelles pour taper sur les puissants.